Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue à ce journal à langue française dont voici les principaux titres. Le président de la commission Vérité et Réconciliation recommande suffisamment la prudence à la population quand il faut collecter les restes des victimes au risque de perdre certaines preuves. C'est un travail d'expert, nous dira Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Et le ministre de l'Environnement a annoncé que les indemnisations en faveur des personnes expropriées du site où l'on construit déjà le nouveau palais présidentiel vont bientôt leur parvenir. Sans autre précision du ministre Célestin Daïzeye, il y a 2 semaines, les propriétaires de ces parcelles récupérées dans ce chantier avaient fait un sit-in devant son cabinet. Et plus de 500 réfugiés burundais se sont rapatriés ce mardi à partir du camp de Nduta en Tanzanie via le poste frontalier de Gisuru en province de Ruyigi. Et en actualité internationale, en RDC, après les manifestations dans certaines villes, ce mercredi, c'était le tour de Bukavu de réclamer la tenue des élections en RDC. Et une journée ville morte a été suivie dans la capitale provinciale du Sud Kivu au Kenya. L'opposé Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du président Kenyatta. Le chef de l'opposition Nasa a dévoilé ce mercredi sa stratégie pour contester la réélection de Kenyatta, où une série d'organes sera chargée d'organiser son programme national de résistance. Voilà pour le sommaire. Jean-Dodien Daïsenga sur la mise en onde de la présentation. Vous êtes avec Placide Niamonge. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir, page politique pour débuter ce journal. Après une première visite de courtoisie dans le pays en juin dernier, l'ancien président burkinabé Michel Kafando est arrivé très discrètement à Bujumbura pour une nouvelle mission de bons offices après avoir rencontré tout aussi discrètement au cours des dernières semaines le facilitateur dans la crise burundaise Benjamin Mkapa Dar es Salaam ainsi que l'opposition burundaise en exil à Bruxelles. Michel Kafando est entré dans le vif du sujet mardi 31 octobre en réservant lundi sa première visite au ministre burundais des Relations extérieures Alain Aimé Mitwe. Michel Kafando devrait rencontrer tout à tour tous les protagonistes du conflit burundais et autres groupes de pression présents sur place, notamment les confessions religieuses, les partis politiques, la société civile et le corps diplomatique avant de quitter le Burundi dans 2 jours. Et page justice transitionnelle, la commission Vérité et Réconciliation appelle la population burundaise à informer l'administration de chaque découverte des restes humains des victimes des différentes crises qui ont entaillé le Burundi. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, président de la commission CVR, demande plus de prudence dans la collecte des réserves des victimes, un travail qui doit être fait par des experts en la matière à défaut de perdre certaines preuves de ce qui s'est passé au Burundi, souligne-t-il. Suivez Monseigneur Jean-Louis Nahimana, président de la commission Vérité et Réconciliation. Nous avons appris il y a quelques jours que dans la localité de Gihanga, on a découvert des restes humains et les témoignages de plusieurs personnes convergent à dire que ce seraient les restes d'un confrère prêtre qui a été assassiné il y a 24 ans pendant la crise meurtrière qui a accompagné l'assassinat du président de la République d'Adaye. Alors après avoir appris cette nouvelle, nous avons tenu à nous rendre nous-mêmes sur les lieux pour constater ce qui s'est passé réellement, mais aussi profiter de l'occasion pour interroger les gens de cette localité pour qu'ils nous disent ce qu'ils savent ou alors ce qu'ils pensent de ces restes humains qui ont été découverts à cet endroit. Depuis 3 ans, il y a une commission qui a été mise en place justement pour que cette commission travaille sur ces questions, sur toutes les questions en rapport avec personnes disparues, mais aussi commission qui est en charge justement l'identification de toutes ces fosses communes pour que cette commission soit avisée, soit informée chaque fois qu'il y a une fosse commune qui est découverte. D'ailleurs, nous avons déployé beaucoup de personnes dans le pays pour qu'ils nous aident dans ce travail. Alors, la troisième chose qu'il faut faire, mais cette fois-ci, c'est de ressort de la commission Vérité et Réconciliation, c'est de faire appel à la plateforme qui a été constituée par le gouvernement. Cette plateforme est composée de la Croix-Rouge, le CICR, mais aussi une branche de la police qui s'occupe de la protection civile. Donc ce sont ces trois organes qui sont aujourd'hui habilités à procéder à l'exhumation ou à l'inhumation des restes humains. Et à propos de l'inquiétude de la population de Gihanga, qui estime que les preuves sur le passé sombre qu'a connu cette localité sont en train de s'effacer progressivement, Monseigneur Jean-Louis Naïman appelle la population à indiquer là où se trouvent les fosses communes pour leur protection. C'est tout à fait normal que cette femme ait eu peur. Moi-même, je me demande si demain, dans ma maison ou dans ma parcelle, je tombais sur une fosse commune. Surtout dans un pays où... Il y a encore de la méfiance. Probablement que cette femme a cru que soit la famille, les membres de la famille de cette personne qui a été découverte dans sa parcelle peuvent s'en prendre à elle. Je pense qu'il faut dépasser. Il faut dépasser cette peur. Surtout que aujourd'hui, il est de notoriété publique que dans ce pays, il y a eu beaucoup de massacres. Je crois que tant qu'on ne s'accuse de rien, tant qu'on n'est pas responsable de quoi que ce soit, même si on l'était, je pense qu'il faut braver le courage vraiment d'aller informer les institutions habilitées à traiter cette question. C'était Mgr Jean-Louis Naïman, président de la commission Vérité et Réconciliation. Les indemnisations des personnes ayant été déplacées de Gasegne sur le site qui abrite la nouvelle présidence de la République du Burundi vont être disponibles bientôt. Le ministre de l'Environnement l'a dit après que les propriétaires de ces parcelles étaient allés faire un sit-in devant son ministre pour réclamer leurs indemnisations il y a plus de 2 semaines. Il précise que le travail d'identification des bénéficiaires arrive à une étape satisfaisante et qui doit être traité minutieusement pour que personne ne soit pas indemnisé sans en avoir le droit. Suivez. Le décompte des indemnisés est en train d'être vérifié par les services habilités. Les représentants de ces déplacés viennent souvent ici. Ils sont tranquillisés. Et je les remercie de ne pas venir faire la ruée dans les bureaux comme s'ils réclament chez un voleur, non. Ils réclament vraiment avec les manières de Burundais éduqués. Ils sont représentés, ils viennent, vérifient que les fonds sont disponibilisés. Ils ont vu et touché le papier. Donc, c'est là. Il ne reste que trouver les moyens de le communiquer en temps utile si le virement effectif est disponible. Donc, ils seront indemnisés, ils le savent. Peut-être dans quelques jours qui viennent, ils seront bien intéressés et nous ferons plusieurs tours en venant poser des questions ici et là ou vers les journalistes pour crier haut et fort. Mais d'ores et déjà, ils ont vérifié, ils ont vu que ce n'est pas mensonge, que le travail d'indemnisation est en cours d'élaboration. Et concernant les travaux de protection des rives de la rivière Nahangwa, le ministre Céleste Ndayizé fait savoir que ces travaux n'ont jamais cessé, mais reconnaît qu'ils suivent un rythme plus ou moins lent. Encore une fois, Céleste Ndayizé est ministre de l'Environnement Burundi. Bon, il n'y a pas de blocage en tant que tel. En matière de construction, il y a des étapes. Il y a des préalables, il y a l'assemblage des matériaux. Mais d'ores et déjà, il faut comprendre le fait que déjà l'amont, dans les montagnes, au niveau de la source de Nahangwa, les chutes ne sont plus violentes. Il y a le traçage des courbes d'un niveau, au niveau de, sous l'appui des bailleurs qui nous soutiennent, dans le cadre là, de protéger la rivière Nahangwa, les abords, côté Mugoboka, côté Igobe. Il y a des travaux, il y a un semblant de blocage, comme vous l'avez remarqué, mais qui n'est pas blocage. Avant, il y avait conjugaison des efforts côté gouvernement, la disponibilisation des engins et côté bailleur, l'achat du carburant. Mais au moment où nous pensons que mieux serait de louer les engins, en changeant cette méthodologie, il y a un semblant de blocage, mais qui n'est pas blocage. Les travaux continuent petit à petit. Mais l'important, c'est que par rapport aux années passées, le rythme, la chute des eaux qui viennent de l'amont sont nettement brisées. Les chutes ne sont plus violentes. Ça aidera à travailler avec moins de dégâts. Et petit à petit, le projet continuera et la rivière sera protégée. La radio de l'avenir. Et dans la suite de ce journal, la société Girisoko Company chargée d'enlever les immondices et les déchets ménagers dans la zone urbaine de Moussaga tranquillise les habitants de cette zone et que d'ici samedi, les agents seront passés pour enlever les immondices qui sont entassés dans leur ménage. Le directeur gérant de cette société explique que la société a commencé ce travail avec un retard parce qu'elle devait d'abord chercher tous les papiers. Ferdinand Ngamichaniro intervient après les lamentations de certains habitants de Moussaga selon lesquels ils ont entendu en vain la société en charge d'enlever les immondices dans leur zone d'eau Moussaga. Nous avons déjà enlevé les déchets, les immondices dans le quartier de Gaskewye. C'est déjà terminé dans cet quartier. Ça reste le quartier Kinanira et Kinanira 3 et Kinanira 4. Ce qui nous handicape de plus, ce sont les montagnes des immondices et des déchets qu'on a rencontrés dans les ménages. C'est ce qui peut aussi nous empêcher de continuer comme nous l'avons prévu. C'est pour ça que nous garantissons à la population de patienter jusqu'à samedi. Vous dites que vous avez commencé depuis lundi le travail d'enlèvement des immondices. Est-ce que vous avez préalablement signé les contrats avec vos clients? Nous n'avons pas encore signé les contrats avec la population en soi. Je pense que dans quelques jours, ça sera la distribution de ces contrats dans la population. Si vous distribuez les contrats, ça signifie que vous avez décidé unilatéralement les prix? Les prix sont fixés par la mairie de Bujumbura. Nous n'avons pas le droit de fixer les prix. Ce qui nous concerne, c'est juste de respecter les prix fixés par la mairie de Bujumbura. Est-ce qu'il y a des jours qui sont fixés durant lesquels vous passez dans différents quartiers pour justement enlever ces immondices? Par mois, c'est 4 jours dans chaque quartier. Je pense qu'une fois par semaine, ça suffit juste pour enlever les immondices dans tous les quartiers. Si vous ne remplissez pas les termes du contrat que vous avez vous-même élaboré, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne pouvons pas faire ça parce que nous avons déjà des moyens suffisants pour remplir le contrat. Par exemple, les personnes qui enlèvent les immondices sont en nombre de 40, celles qui travaillent sur les camions. Pour le moment, nous avons 3 camions qui sont déjà en place. Mais si, en cas de nécessité, on peut augmenter juste pour maintenir ce contrat. C'était Ferdinand Ngamichaniro, directeur gérant de la société Girisoko Company chargée d'enlever les immondices et les déchets ménagers dans la zone urbaine de Moussaga, mairie de Bujumbura. Et 599 réfugiés burundais se sont rapatriés ce mardi à partir du camp d'Ndouta en Tanzanie. Entrés par le poste frontalier de Gisu, la province de Ruigi, ces rapatriés sont composés de 555 personnes originaires de la province de Changuzo et 4 de la province de Ruigi. Ces personnes devaient effectuer une escale au site d'accueil de Nyabitala en commune Gisuru pour être enregistrées afin de percevoir un ticket retour de 3 mois ainsi que les moyens de transport. Et 4 véhicules dont 3 de type IAS en Probox ont été interceptés par la police de Mukungu en commune Nyanzalak de la province Makamba au sud du pays. C'était vers minuit de ce mardi. Selon Pierre Ngurikiye, le porte-parole de la police, ces véhicules transportaient du poisson de type Agacia des alevins de Mukeke dont la loi portant organisation de la pêche et de l'aquaculture interdit la pêche. Selon le porte-parole de la police, chaque véhicule a été taxé d'une amende de 200 000 francs bou, en plus de 2 000 francs bou pour le mauvais chargement. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Parlons de l'actualité internationale et pour clore cette édition, au Kenya, l'opposant Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du président Kenyatta. Le chef de la coalition NASA a dévoilé ce mercredi sa stratégie pour contester la réélection du président Kenyatta. Une stratégie complexe, alors qu'il a promis que le résultat de ces élections finirait par être annulé. Dans une stratégie sur le long terme, écrit la Radio France Internationale, une série d'organes sera chargée d'organiser son programme national de résistance. Une branche de sa coalition NASA organisera encore des boycotts économiques ou encore des manifestations. L'opposant a aussi annoncé la création d'une assemblée du peuple où se mélangeront les travailleurs, la société civile, les religieux, les femmes et aussi des jeunes. À l'intérieur de ce forum, un groupe de travail se focalisera sera sur les faiblesses dans la gouvernance du pays, dans les institutions, dans les agences de sécurité ou encore dans l'utilisation de l'argent public. Et en République démocratique du Congo, après Goma, Kisangani, Beni, sommet crédit, c'était le tour de Bukavu pour réclamer la tenue des élections en RDC. Une journée ville et morte a été très suivie dans la capitale provinciale de Sud-Kivu. Selon les habitants de Bukavu, la plupart des boutiques sont restées fermées sommet crédit, tout comme les banques. Même les administrations semblent tourner au ralenti et les points clés de la ville sont sécurisés par la police pour éviter que la situation ne dégénère, comme à Goma lundi a précisé une source sécuritaire. Selon la RFI, plusieurs facteurs semblent avoir joué. Pour un activiste de droits de l'homme, il y a déjà sans doute la crainte de troubles après la mort de plusieurs manifestants et d'un policier de l'autre côté du lac Goma. Mais c'est surtout l'union qui y a fait la force, écrit encore une fois la RFI. Et de telles manifestations appelées par la société civile et l'opposition débutées en début de cette semaine en vue de contraindre le président en exercice, Joseph Kabila, de quitter un pouvoir qu'il ne veut pas lâcher, souligne les manifestants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le président de la commission Vérité et Réconciliation recommande suffisamment de prudence à la population quand il faut collecter les restes des victimes au risque de perdre certaines preuves. C'est un travail d'expert, a souligné Mgr Jean-Louis Nahimana. Et le ministre de l'Environnement burundais annonce que les indemnisations en faveur des personnes expropriées du site où l'on construit déjà le nouveau palais présidentiel vont bientôt leur parvenir. Vous l'avez entendu avec le ministre Célestin Ndayizeye. Et aussi, plus de 500 réfugiés burundais se sont rapatriés ce mardi à partir du camp d'Unduta en Tanzanie via le poste frontalier de Gisuru en province Ruyigi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Jean de Diendai Senga pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Placide Niamongere. Bonne soirée à tous. Au revoir.